Jean Bosco, Douiman. Bonjour et merci d'être avec nous dans ce journal dont voici quelques titres. Le parti Uprona se dissatisfait des principales questions identifiées lors du récent round du dialogue interburundais à Arusha. Un dialogue destiné à résoudre la crise burundaise. Le président de ce parti trouve que le médiateur devrait inviter tout le monde, y compris le Sénared. Abel Gachati interviendra dans ce journal. De son côté, Evariste Ngaïmenda regrette l'absence du gouvernement à cette session, même si le CNDD-FDD était représenté. Une centaine de refoulés de Kagaragara qui avaient trouvé refuge hier au chef-lieu de la zone Buringa en province Bubanza ont été dispersés ce matin par les forces de l'ordre et sont pour le moment en débandade. Et plus de 137 000 personnes sont mortes du paludisme dans le monde en 2016, selon un rapport de l'Organisation mondiale de la santé. Et dans la chronique santé, à la fin de ce journal, on reparlera des calculs rénaux. C'est une deuxième partie et ce sera avec le néphrologue Dr Sylvain Pierre Nzeiman. Bonjour, le parti Uprona est satisfait du fait que des questions principales relatives à la crise burundaise ont été identifiées au cours de la session du CESO 19 février à Arusha. Le président de ce parti, Abel Gachati, note que même si le Sénared était présent à Arusha, il n'a pas été associé aux autres. Il demande que la participation de ce conseil au dialogue extérieur soit l'une des questions qui doivent être débattues et trouver une solution, car selon lui, personne ne doit être laissé derrière. On l'écoute. L'espoir est que les Burundais se sont mis ensemble, ont disputé, et voilà, peut-être à la prochaine occasion, une avancée significative va avoir lieu pour pouvoir terminer ce dialogue et surtout se préparer aux élections de 2020. Et ces hommes politiques, Rusokoza, Minani, ils étaient invités, ils étaient ici, mais ils sont poursuivis par la justice. Et la facilitation les ont reçus dans un autre endroit pour dire que, à Uprona, nous souhaitons que ce processus, ce dialogue connaît la participation de tout le monde. Je pense que cette question devrait être mise sur la table des questions à discuter pour pouvoir mettre ensemble tout le monde. Pourquoi ? Parce que la préparation de ces élections de 2020 devrait connaître la participation de tout le monde. Ce sont des questions alors qu'il faudrait discuter pour trouver une solution durable pour pouvoir permettre à notre pays d'avancer, à notre pays de quitter ce problème que connaît actuellement. Et un des acteurs politiques apprécie bien l'organisation de la session de dialogue qui vient de se clôturer à Arusha. Evariste Ngaïmenda salue aussi la présence des émissaires de l'ONU et de l'Union africaine et les questions retenues dans cette session. Cependant, il critique l'absence du gouvernement, mais fait au même moment remarquer qu'il était présent d'une manière ou d'une autre, car, dit-il, le parti au pouvoir était là. On l'écoute. La première avancée de mon point de vue, c'est au niveau de la préparation de cette session qui a vu la participation des envoyés spéciaux, des représentants de l'Union africaine et de l'envoyé spécial des Nations unies. C'est quand même un début encourageant quant au soutien que le facilitateur est en train d'obtenir. La deuxième avancée, c'est dans le regroupement des huit thématiques à analyser comme vous les connaissez, qui ont été regroupées sous quatre chapeaux permettant de réduire un peu les questions, de les présenter sous forme ramassée et de pouvoir avancer par rapport à ça. La troisième avancée de mon point de vue, c'est que le consensus général est qu'aujourd'hui, il importe de réaffirmer le respect de la Constitution et de l'accord d'Arusha et que donc, il n'est point besoin de l'échanger comme certains acteurs politiques le voudraient. Quatrièmement, nous sommes confiants dans le prochain sommet de l'Est africaine qui va avoir lieu pour pouvoir endosser les conclusions de cette session. Comme il l'avait fait au mois de septembre par rapport à la session du mois de juillet, parce que à partir de ce moment-là, ça leur permettra d'avancer encore plus. Est-ce qu'il n'y a pas de critique? Évidemment, on aurait aimé que le gouvernement soit là, parce que c'est une vraiment des grandes parties prenantes. De toute manière, à partir du moment où il y a des négociations, des discussions comme celle-ci, le gouvernement, c'est un acteur clé. Et on regrette que le gouvernement n'ait pas été là, mais on sait par ailleurs que ça commence toujours ainsi. Mais on sait aussi que le gouvernement a été indirectement représenté parce que le secrétaire général du parti au pouvoir, il était là. L'ombudsman qui vient de son parti était là. Donc le gouvernement ne pourra pas prétendre qu'il n'était pas là et qu'il pourrait ignorer les conclusions de cette session. Évariste Ngaïmenda, au micro de Joseph Sabiabandi, qui était envoyé spécial de la rédaction à Arusha en Tanzanie. Les élèves ne devraient pas être impliqués dans les manifestations politiques. Le porte-parole de l'Association de défense des droits de l'enfant, Sojay Paye, réagit ainsi après le constat que certains élèves sont obligés de participer aux manifestations organisées quelquefois les samedis. David Ninganza considère que le milieu scolaire est apolitique et demande aux politiciens, aux parents et aux éducateurs de faire cesser cette mauvaise habitude. David Ninganza, porte-parole de la Sojay Paye. Premièrement, les enfants, surtout les enfants scolarisés, l'école est apolitique. Et quand l'école est apolitique, c'est-à-dire qu'on ne doit pas amener n'importe quelle idéologie à l'école. Que ce soit les partis politiques, que ce soit les organisations à caractère politique, ils n'ont pas le droit d'associer les enfants, d'associer les élèves. Donc c'est la raison pour laquelle j'en profite pour dire aux parents non, pour dire aux organisateurs aussi de ne pas impliquer les enfants. La place des enfants, c'est la maison, si ce n'est pas la maison, c'est l'école. Ce n'est pas dans des lieux publics où on mène des slogans politiques. Souvenez-vous de 2015, combien nous avons demandé aux parents de ne pas livrer leurs enfants dans les manifestations, parce que les enfants sont là pour rien. Donc, je pense que celui qui veut avancer peut-être son idée, son idéologie, il a le droit de le faire, sans toutefois impliquer les enfants. Qu'ils soient les porte-parole, sans toutefois chercher que les enfants soit devant. Et si j'en profite pour demander aux parents qu'ils sachent qu'ils sont les premiers responsables de leurs enfants, je lance aussi un appel vibrant aux autorités scolaires qu'ils sachent que l'école est apolitique et aussi aux organisateurs de ne pas impliquer les enfants parce que les enfants ont besoin d'une éducation. Une éducation saine, une éducation qui ne divise pas les enfants eux-mêmes ou bien qui ne divise pas avec les éducateurs. L'école est apolitique, les éducateurs devant leurs enfants sont appelés d'être neutres. Et selon un parent, l'encadrement des élèves dans les manifestations politiques ne date pas d'aujourd'hui. Il serait mieux qu'un élève aille plutôt défiler à l'occasion d'une fête nationale que d'être impliqué dans les manifestations sans s'y être préparé à l'avance. Suivez Tarsis Ndarugirire au micro de Placide Niyomongere. L'histoire d'encadrer les enfants, de les embrigader même, pour ainsi dire, dans des manifestations politiques, etc., ou même dans des engagements plus sérieux, ne remonte pas d'hier. Nous avons connu tous les diri-diri. C'était des jeunes gamins, gamines d'école primaire qu'on faisait défiler en kaki, mais qui étaient affiliés en partie. Donc, vous voyez, ça remonte loin. Et ce n'est pas seulement chez nous que ça se fait. Mais pour nous, ce n'est pas une bonne chose. Que les enfants aillent manifester, défiler à l'occasion d'une fête nationale, ça c'est une très très bonne chose. Doublement, parce que ça leur apprend le patriotisme en célébrant les fêtes nationales. Deuxièmement, on a eu le temps de se préparer. Les parents se sont préparés. Ils savent que l'enfant ira défiler, il ira participer à cette fête-là. Et alors, ils s'arrangent pour que l'enfant ait quand même de quoi ne fût-ce que prendre un bonbon ou s'acheter une Fanta. Mais quand on les prend à l'école, l'enfant peut être très jeune. Il va faire des kilomètres à défiler pour manifester contre un problème qu'il ne comprend pas, qu'il ne maîtrise pas, mais il sait seulement qu'il marche. Est-ce que son comportement peut avoir des répercussions, soit sur ses résultats à l'école ou bien sur son comportement à la maison? C'est peut-être lié aussi à l'âge. Pour les jeunes, les adolescents, les jeunes, ça peut avoir d'autres comportements parce qu'on ne sait pas ce qu'on leur dit. Manifester, c'est aller, c'est crier pour quelqu'un, contre quelqu'un, etc. Beaucoup plus contre que pour. Et alors, ça peut développer un sentiment, je dirais, agressif. Il faudrait quand même laisser les enfants d'abord étudier. C'est leur mission première. Et là, je crois qu'il faut leur faciliter cette mission-là et les aider à être responsables de ça. Il est 13h07 à Bujumbura. La suite de ce journal, le ministère de l'Intérieur appelle les instances habilitées à faire respecter le prix officiel du sucre. L'assistant du ministre dément les affirmations de ceux qui disent que certaines autorités seraient impliquées dans le commerce de ce produit. Terence Naira, porte-parole de ce ministère, estime par ailleurs que la production de la société sucrière du Mosso Sosumo n'est plus suffisante par rapport à la croissance de la population burundaise. Suivez plutôt Terence Naira au téléphone avec Alain Désiré Boukayenèze. À l'heure où je vous parle, Sosumo était la seule industrie au Burundi qui a été justement construite pour une population d'au moins de 4 millions de Burundais, vous le savez très bien, il y a plusieurs années. Et alors, aujourd'hui, où les Burundais atteignent 10 millions, il est impossible que la quantité produite par Sosumo soit réellement suffisante pour toute la population. Même le chef de l'État, lors de son émission publique avec les porte-parole des différents ministères à Rutana, il a été clair. C'est pourquoi d'ailleurs, il a demandé au ministère en charge du commerce de faciliter les importateurs de pouvoir apporter le sucre pour compléter le peu que nous avons. Mais seulement, il est exigé à ce que la loi relative aux impôts soit respectée pour ne pas justement dévaloriser et le sucre de la Sosumo de nous disposer quoi que insuffisant. Certains s'inquiètent que depuis que les administratifs ont été impliqués dans le respect ou dans la commercialisation du sucre, que cela est à l'origine de la pénurie de ce sucre. Qu'est-ce que vous en dites? Ça, ce n'est pas vrai, parce que je n'ai pas de témoignage. Je pense que ce sont des rimeurs ou des maçons. Ce sont des suppositions déjà parce que on dit, à la sangue, vous savez, il y a une fuma, comme la quantité était suffisante, on suppose que c'est cela qui aurait détourné, mais je pense que ce n'est pas du tout vrai. D'autres disent qu'il y a certains commerçants, ainsi qu'il y a également d'autres administratives qui font ce commerce, qui ne sont pas sur les listes. Qu'est-ce que vous en dites? Quel est votre appel pour que le prix soit respecté? Moi, à ce que je sache, c'est qu'il existe des listes de personnes qui ont le droit de vendre le sucre. Il y a les grossistes et les détaillants. Et chaque détaillant aurait fait 5 sacs pour un demi-quartier où il se dit, d'où la quantité était suffisante. Sinon, dire qu'il y a des personnes qui n'ont pas le droit de le vendre et qui le font, je pense que ce n'est pas vrai. Et à ce moment, pour celui ou l'autre qui le ferait, il faut que la loi soit appliquée par ceux qui doivent le faire. Terence Nairaja, c'est le porte-parole du ministère de l'Intérieur. Certains décideurs n'ont pas encore compris l'importance de la géomatique, celle-ci étant un système qui regroupe l'ensemble des outils et méthodes permettant d'acquérir et d'analyser les données géographiques afin de réaliser un projet. Le secrétaire exécutif du bureau de centralisation géomatique indique qu'avec ce système, le processus décisionnel devient plus simple et efficace. Frédéric Ngendawakana en appelle aux différents ministères et institutions de leur fournir des données afin de faciliter leur travail. Suivez-le, c'était au cours d'un atelier sur l'application de la géomatique dans le processus décisionnel. La géomatique, c'est l'union des sigles, des secteurs. Il était remarqué que dans les ministères ou institutions, il y avait des systèmes d'information qui se faisaient. Il n'y avait pas alors d'échange de ces informations. Quand il n'y avait pas d'échange, alors il y a eu l'idée de créer un centre de concentration, de mise ensemble de toutes ces données. Avec la géomatique, le processus décisionnaire devient plus simple. Cette fois-ci, ce n'est pas l'éloquence d'un parlementaire que l'on implante une infrastructure ici ou là. Avec la géomatique, les données sont générées automatiquement selon les termes de référence qu'on se sera donné et le choix du milieu où implanter cette infrastructure devient automatique sans spéculation. Prenons, s'il faut implanter une source d'eau, la géomatique va vous montrer les sources existantes, mais il ne faut pas que tu ailles implanter seulement un office qu'à côté de la route et dire que j'ai implanté une source d'eau dans la commune telle. Mais il faut consulter aussi la population pour voir qui serait bénéficiaire de cette source. Nous avons un défi dans la collecte. Les décideurs ou les propriétaires des données, ils ne sont pas encore convaincus de pourquoi il faut partager les données. Donc, ils sont réticents à partager les données. Je crois qu'avec des réunions pareilles, ils finiront par comprendre. Même aujourd'hui, je ne peux plus dire que c'était comme avant. Au commencement, nous avions plus de difficultés. Aujourd'hui, finalement, ça avance. On ne regrette pas. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Plus de 3700 personnes sont mortes suite au paludisme en 2016, selon un rapport de l'Organisation mondiale de la santé OMS. Un rapport datant de fin janvier 2017. Le changement climatique, l'extension de la riziculture sont quelques-uns des facteurs expliquant cette flambée des cas de paludisme. Note cette étude menée dans 4 provinces du pays et pas dans le monde, comme je le disais dans les titres. Les détails avec Mireille Kanyang. Oui, Jean Bosco, ce rapport de l'Organisation mondiale de la santé OMS est rendu public le 27 janvier 2017 et le résultat d'une étude menée dans 4 provinces du Burundi, à savoir Gitega, Kirundo, Muyinga et Ngozi. Le constat fait d'après le rapport, c'est que le paludisme est le premier problème de santé publique au Burundi et une menace au développement socio-économique du pays. L'analyse rétrospective des données épidémiologiques ont montré que les seuils épidémiologiques ont été largement dépassés comparés aux données des 5 années précédentes, avec une ampleur plus accentuée dans les districts sanitaires du Nord, Centre et Est, note ce rapport. Ainsi, en 2014, plus de 4 700 000 cas de paludisme ont été enregistrés. En 2015, ils étaient à plus de 5 300 000 pour dépasser 7 800 000 cas de paludisme en 2016. Cela a fait que 3 774 personnes soient mortes de paludisme, n'office qu'en 2016. Eh bien, Jean Bosco, les changements climatiques, l'augmentation importante du taux de malnutrition sévère, l'extension de la riziculture, l'insuffisance du système d'information sanitaire et la faible couverture des activités de prévention du paludisme sont les principaux facteurs responsables de cette flambée, de cette maladie, d'après ce rapport. Et à court terme, ces experts de l'OMS recommandent un plan de riposte national suivi de plans de riposte au niveau de chaque province et de chaque district touché par ce qu'ils ont appelé épidémie, dont selon leurs termes, ils regrettent l'absence de déclaration officielle de l'épidémie limitant les possibilités d'assistance internationale. Au niveau du ministère burundais de la santé publique, Dionyse Nizigimana, chargé de lutte contre la malaria, a reconnu que ces chiffres sont alarmants, mais il indique toutefois que ces chiffres diminuent peu à peu depuis janvier 2017. Mireille Kanyangé, en direct dans ce studio. Les nouvelles de Provence à présent. Une centaine de personnes parmi celles qui ont été refoulées du secteur Kagaragara ce lundi dans la réserve de la Rococo et qui ont passé cette nuit devant les bureaux de la zone Wuringa ont été dispersées par les forces de l'ordre ce mardi matin. Elles sont pour le moment en débandade et demandent aux autorités de leur montrer un autre endroit où elles peuvent s'installer. Spes Caritas Kavanyana. Ce lundi matin, plus de 100 personnes parmi celles qui vivaient dans le secteur de Kagaragara et qui ont passé cette nuit de lundi à mardi devant les bureaux de la zone Wuringa en commune Gihanga se sont retrouvées face à face avec des policiers et des militaires vivant dans cette localité. Ils leur ont intimé l'ordre de démonter elles-mêmes les petites maisonnettes recouvertes de moustiquaires qu'elles avaient montées au cours de cette nuit pour pouvoir dormir. Ces personnes ont exécuté l'ordre, ont refait leurs bagages et sont parties, mais visiblement sans destination. En débandade, les unes étaient assises à côté de la route Bujumbura-Rugombo, non loin de l'endroit où elles ont passé la nuit avec leurs bagages, tandis que les autres se sont dirigées vers les ménages de Wuringa. Elles demandent aux autorités de leur chercher un autre endroit où elles peuvent s'installer. À titre de rappel, plus de 2000 personnes qui habitaient dans le secteur de Kagaragara, dans la réserve naturelle de la Rukoko, ont été obligées de déménager sur l'indice sur ordre du gouverneur. Et celles qui ont été dispersées ce mardi matin à Wuringa font aussi partie de ce groupe. Le gouverneur de Luanda, de son côté, explique que ces gens doivent retourner dans leurs collines d'origine et que 80% vivaient dans des maisons à location selon Tarsis Niyongabo, gouverneur de Luanda. C'est Kavanyana à Wuringa pour la radio Isanganiro. Merci Spé. Ces déchets non encore identifiés ont réapparu dans la ville de Rumonge après presque une année qu'elles avaient été maîtrisées. Les habitants sont inquiets de ces chenilles qui provoquent des allergies sur le corps et demandent qu'il y ait intervention rapide. Au niveau de la direction provinciale de l'agriculture et de l'élevage Rumonge, l'on indique avoir déjà introduit la demande d'un produit pouvant exterminer ces chenilles, même s'il n'est pas encore disponible. Jean-Pierre Misako. Dans presque tous les quartiers de la ville de Rumonge, l'heure est à la coupe et à l'incendie des arbustes qui servaient de clôture de leurs parcelles, en commençant par leurs branches. Certains habitants de la ville de Rumonge interrogés disent qu'ils tentent d'exterminer les chenilles qui s'attaquent à ces arbustes et provoquent à leur contact des allergies sur le corps humain. Les habitants disent que les efforts sont presque vains et demandent la pulvérisation de leur ménage, comme cela a été le cas en mars de l'année écoulée. Mais Bodenagijimana, inspecteur phytosanitaire dans la direction provinciale de l'agriculture et de l'élevage à Rumonge, reconnaît que la coupe et l'incendie de ces essences végétales ne peuvent pas venir à bout de ces chenilles et informe que le département de son ressort a été déjà saisi pour rendre disponibles les produits phytosanitaires contre ces chenilles jusqu'ici non identifiées. Dans la première quinzaine du mois de mars 2016, la maîtrise de ces chenilles était intervenue après le déménagement de 4 familles du secteur Kanyengoko où elles étaient déclarées en premier. Jean-Pierre Misago de Purumonge, Radio Isanganiro. Merci Jean-Pierre Misago. De nouvelles brèves dans les Provences et l'actualité internationale. Et on termine par la chronique santé avec, comme je vous le disais, la deuxième partie des calculs rénaux. 9 militants du parti FNL sont sous les verrous au cachot de la police judiciaire d'Ngozi. Depuis ce dimanche, ils ont été arrêtés sur ordre de l'administrateur d'Ngozi, les accusant de tenir une réunion illégale dans des cabarets du chef-lieu de cette province. Un des représentants du FNL, Pro Agathon Rwasa, parle plutôt de harcèlement à l'endroit des militants de ce parti, expliquant que ces personnes n'étaient pas en réunion, mais partageaient un verre comme les autres. Ce représentant du parti FNL réclame la libération inconditionnelle de ces personnes. Toujours Ngozi, le chef de colline Gahengeri, en commune Provence Ngozi, a été démis de ses fonctions depuis ce lundi. Il est accusé par l'administrateur communal de complicité dans la consommation et vente de la boisson prohibée fortement alcoolisée dite Ikibarbe. L'administrateur Songambere Rajabu prévient les autres chefs collinaires contre la tentation de tomber dans de pareilles infractions. Mais c'est sur le www.isanganiro.org. En Guinée, une manifestation pour la réouverture des écoles vire au drame à Conakry. En Afrique du Sud, il s'est fait remarquer des attaques contre les migrants africains. Et au Congo, il y a un nouveau démenti et de nouvelles vidéos des massacres au Kasaï. Alida Ndaïked. Au Congo, le gouvernement persiste et signe. Les vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux montrant de présumées exécutions sommaires est un grossier montage. Dans un communiqué, le porte-parole du gouvernement répond à la multiplication des appels à enquêter. Il explique que c'est aux accusateurs, en l'occurrence ceux qui ont diffusé ces vidéos, de prouver leur assertion. Mais depuis ce week-end, il n'y a pas que les appels à enquêter qui se multiplient, mais aussi d'autres vidéos du même genre. RFI Afrique dit que de leur côté, la France, les États-Unis et l'Union européenne se disent profondément préoccupés par la situation. Au final, tous demandent à la RDC de mener une enquête indépendante pour identifier et punir les responsables, ce que Kinshasa refuse pour l'instant. Au Guinée, au moins 5 personnes ont été tuées ce lundi lors de violentes heurts entre forces de l'ordre et manifestants. Ces derniers réclamaient la reprise des cours dans les écoles du pays, closes par le gouvernement depuis 3 semaines. Le site de Jeune Afrique écrit que les heurts ont éclaté au lendemain de la signature, dimanche, d'un accord entre syndicats et gouvernement destiné à mettre fin à la grève des enseignants. Les partis ont convenu de se retrouver ce lundi pour la signature formelle de cet accord, avait alors déclaré le gouvernement, mais il semble que la base syndicale soit restée insensible à cette annonce, ce qui aurait provoqué l'exaspération des manifestants favorables à la réouverture des établissements. En Afrique du Sud, les autorités disent que les tueries qui se manifestent dans ce pays, qu'il ne s'agit pas d'attaques à caractère xénophobe, mais d'actes isolés contre des migrants accusés de trafic de drogue et de gérer des réseaux de prostitution. Comme on peut le lire sur le site de la BBC Afrique, la police sud-africaine, pour sa part, indique que les manifestants auraient voulu brûler les habitations servant de maisons closes ou de laboratoires clandestins. Lundi après-midi, les autorités nigérianes ont demandé à l'Union africaine d'agir afin que le gouvernement sud-africain garantisse la sécurité de leurs ressortissants et celle des autres migrants africains. Radio Isanganiro Chronique. Dans la chronique santé de ce mardi, nous revenons sur les calculs rénaux. Le néphrologue Sylvain-Pierre Nzeimana nous parle du traitement et de la prévention de ces cristaux qui se forment dans les reins et entraînent par la suite de vives douleurs. Certaines maladies comme la goutte et une consommation trop faible d'eau sont parmi les principales causes de cette maladie. Francine Diokougaï. Nous vous avons parlé dans notre chronique de la semaine dernière des calculs rénaux. Ils se forment quand de petits grains d'une substance minérale circulant dans l'urine se déposent dans un rein ou l'urétère. Le néphrologue Sylvain-Pierre Nzeimana précise que les calculs rénaux surviennent plus chez les femmes que chez les hommes et dans certains cas, les enfants peuvent être atteints. Ils peuvent même causer une maladie rénale chronique, selon le docteur Nzeimana. En cas de lithiase rénale, parfois, on peut avoir une maladie rénale chronique qui est due à cette obstruction chronique causée par les calculs. Et cette maladie chronique peut entraîner une insuffisance rénale qui peut même arriver au stade terminal dans 3% des cas. Et le patient devra recourir à un traitement de suppléance rénale, c'est-à-dire à la dialyse. Pour prévenir les calculs rénaux, il faut une bonne hydratation et un régime alimentaire adapté. La prévention de la lithiase rénale repose en un régime qui va éviter tout ce qui peut causer la lithiase. Ça veut dire, dans un premier temps, il faut que le patient boive abondamment, donc plus de 2 litres par jour, qui seront bien répartis sur la journée. Donc pas boire 1 litre ou 1 litre et demi en même temps, ce n'est pas ça le traitement. Le traitement, c'est de boire par petite quantité, mais au courant de la journée, quitte à totaliser plus de 2 litres par jour. Éviter tout ce qui peut être riche en oxalate et en calcium. Ça veut dire, pour l'oxalate, c'est les épinards, le chocolat, le café, le Coca-Cola, le thé. Et puis pour le calcium, c'est tout ce qui est laitage, le lait et le fromage, le yaourt. Pour l'acide urique, il faudrait éviter tout ce qui est protéines animales ou bien du moins en consommer avec modération. Les charcuteries, la viande rouge, les boulettes, les saucissons, le jambon. Et également avoir une consommation de sel, disons normale. Donc ça veut dire pas dépasser 6 grammes par 24 heures de sel. Des fois, les calculs peuvent s'éliminer spontanément du système urinaire. Sinon, comme le dit le néphrologue Nzeimana, le traitement consiste en premier lieu à calmer la douleur causée par la maladie, puis fragmenter les calculs par après. Le traitement consiste, parce que c'est une maladie qui est douloureuse, au traitement de la douleur, diminuer la douleur et essayer de lever l'obstacle quand il y en a. Et puis alors donner un traitement préventif pour prévenir les autres crises. Et quand ça ne marche pas, parce que ça peut arriver, on peut être obligé de forcer par une fragmentation du calcul. Il y a des machines qui peuvent fragmenter le calcul, soit par un choc direct, soit par voie endoscopique, par une cystoscopie. On peut le fragmenter puis le retirer. Il va être écrasé comme du sable et le patient pourra éliminer le calcul. Parfois, ça nécessite une hospitalisation, ne fût-ce que pour calmer la douleur, pour essayer de faire le diagnostic et de faire le bilan de retentissement. On doit hospitaliser le patient. Mais parfois aussi, le patient peut se faire soigner en ambulatoire. Et alors, comme je vous disais tantôt, quand ça ne marche pas avec le traitement antalgique, bon, qui diminue la douleur, on peut être obligé d'envoyer le patient à l'étranger pour faire un traitement ou fragmenter le calcul. Plus de la moitié des personnes ayant déjà eu un calcul présentent les risques d'en développer encore dans les 5 à 10 ans qui suivent la première crise. La prévention est donc très importante. Merci Francine, merci docteur Sylvain-Pierre pour ces éclairages sur les calculs rénaux. Ainsi se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser. Merci à tous. Invitez vous aussi pour la mise en onde au micro. Jean Bosco Ndouimana, nous vous souhaitons de passer un très bon après-midi à l'écoute de nos programmes.